Les rassemblements de masse des provinces du Chagang, du Hamgyong du Nord et de la ville de Lason se sont tenus le 14 pour formuler du soutien absolu à la déclaration du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée. Y ont pris part des cadres, travailleurs, jeunes étudiants des organismes du parti, du pouvoir et de l'économie, des organisations des travailleurs, des usines et entreprises, des fermes et des grandes écoles au niveau local. À la suite de la lecture de la déclaration du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, il y a eu les interventions. Les orateurs ont exprimé du soutien absolu à la déclaration du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, qui rejette intégralement la nouvelle résolution de sanctions inventée par les États-Unis et autres forces hostiles, tout en mettant en cause notre lancement d'essais des fusées balistiques intercontinentales. Et ils ont appelé tous les cadres et travailleurs à être le bouclier pour défendre sur le plan politique et idéologique et au péril de la vie le dirigeant suprême Kim Jong-un et à devenir vainqueur glorieux dans l'offensive générale de toute la population avec la volonté d'anéantir les ennemis. Ensuite, il y a eu les manifestations de masse.